Section 19 de la lecture, tome 1er. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 1er. Section 19. Pascal Géfos, par Paul Marguerite, chapitre 3. Au matin, sur le pont lavé à grande eau, Madame Desgrands, près du pliant où reposent son châle et un livre, s'était accoudée au bastingage. Éblouie, elle clignait les yeux, sentant sur une joue la brise fraîche et sur l'autre le chaud soleil. Elle avait eu un réveil confus, dit ses prières presque machinalement. Ses idées, vagues et flottantes, se précisait peu à peu et s'ordonnait. Elle tomba dans une profonde rêverie, les souvenirs l'assaillaient. Elle est au Jajolais, revoit la grande maison blanche, la cour, l'escalier des jardins, la terrasse et la serre, et apercevant du même coup l'ensemble et les détails, la première pelouse, claire, avec son noyer géant et les peupliers, la seconde, sombre, sous des sapins noirs, les statues blanches ici, les faunes lépreux mangés de mousse là-bas, le bassin d'eau pure et le bassin glauque, tout pourri de feuilles, puis l'entrée mystérieuse du bois, ces allées où filtre un jour vert, entre les hêtres et les ormes, plein d'oiseaux qui chantent. En robe du matin, maniant un léger sécateur, elle visite ses rosiers, arrose ses fleurs préférées. Elle rentre à la maison. Dans l'âtre énorme, à la cuisine, des fagots et des pommes de pin pétillent. La vieille en bonnet noir, toujours affairée, la regarde. Ses mille rides tressaillent de plaisir. « Comme madame a belle mine ce matin. »« Tu trouves, Agathe ?» Elle accroche son chapeau de paille dans le corridor, monte l'escalier pour embrasser ses chéris. Agathe la suit. Ont-ils bien dormi? Eh oui, eh oui. Elle pousse une porte. Des cris de joie éclatent. Deux petites filles, à demi vêtues, se pendent à sa robe, tendent leurs bras grassouillets et leurs figures roses, tandis que Roger, qu'on sort du bain, essaye d'échapper à la flanelle dont la bonne l'enveloppe. Bonjour, Aliette. Bonjour, aimée. Et de gros baisers et des rires argentins. La chambre est très claire, égayée de blancheur, de linge. Agathe a pris Roger. Elle le calme et l'habille. Excellente fille. Elle a élevé Hubert et adore madame. On ne veut plus qu'elle serve. Elle surveille. Avec l'âge, son caractère s'est aigri. Elle a toujours été colère, mais quel dévouement, quel fanatisme chez cette rude vieille. Roger est habillé, il se jette sur sa mère. Mon blond Roger. Aliette, l'aînée, a les yeux bleus et l'air décidé du père. Aimée est pâle et douce, Roger hardi et violent. Leurs trois têtes d'inégale hauteur sont du même or. Leur âge, 6, 5, 4 ans. Mes chéris, elle déjeune avec eux, leur coupe des tartines, puis on passe dans la salle de travail pendant 1 heure. Agathe erre dans la maison, revêche. Roger lui-même fait des bâtons. Mais la porte donnant sur le jardin s'est ouverte et le joli petit monde délivré pousse des cris fous. Les jambes nues s'agitent au soleil et la mère crie doucement. Aliette, aie bien soin de ton frère. Mais déjà, Agathe est auprès d'eux. Dans la chambre conjugale, tendue de granité bleu, la psyché reflète le visage de la jeune femme. Elle tient sa correspondance au courant, fait ses comptes de ménage. C'est demain, jour de marché à Mézières. On ira, car ils ont du monde à dîner. Le docteur Krebs, Monsieur d'Hermosson, président du tribunal, et tous les sastres. L'heure du déjeuner approche. Elle descend, surveille la table. Un tilbury s'arrête devant la porte. Son mari entre. Bonjour. Bonjour. Et, s'ils sont seuls, il l'embrasse sur les yeux, longuement. J'ai une faim. Et les enfants ? Il a posé sur le buffet un gros portefeuille et des journaux. Les journaux, la politique. Le portefeuille, les affaires. Une association d'idées invincibles supprime, comme par un changement à vue, le gai décor du Jajolais. Pour la première fois, il passe l'hiver à Paris. Nommé député, des grands est forcé de recevoir rue de Rennes, dans un grand appartement artistiquement meublé. On a un coupé au mois, des dîners, des soirées. Il faut rendre des visites, aller au théâtre, aux expositions, mener une vie factice qui fatigue, déconcerte, énerve. Les enfants ne sont plus si gais, on n'a pas le temps de s'occuper d'eux. Agathe est au Jajolais et le garde. Quand ils y sont rentrés ce printemps, elle s'est sentie triste, n'a plus retrouvé son activité de ménagère. Paris l'a troublée, elle s'y est amusée, s'y est plu. Mais des doutes lui restent, la vie mondaine lui fait peur. Elle voudrait ne plus retourner rue de Rennes, regrette le temps où des grands plaidaient, avec tant de succès dans sa province. Depuis son élection, il a des envieux, des ennemis. Pourquoi faire de la politique? Ne sont-ils pas assez riches? Hubert est-il indispensable au bonheur de la France? Elle en doute, malgré son affection et son estime pour lui. Mais que faire? Il est si bon pour elle, si sûr, si honnête. C'est son mari, le premier homme qui lui ait fait battre le cœur. Ses parents? Elle a à peine connu sa mère, morte de langueur à 26 ans, et a grandi, bien qu'heureuse et très gâtée, dans une ombre de mélancolie, solitaire de cœur. Son père, colonel du génie en retraite, habitait Charleville, était grand ami de Madame des grands-mères. Elle revoit leur figure, de lui un teint coloré, des petits yeux clairs, de rêches moustaches grises, et une âme d'enfant, d'elle, un sec et bilieux visage, sous des coques d'un noir trop jeune, avec un terrible air d'autorité. Et cependant, Madame des Grands, qui lui faisait si peur, lui voulait du bien, puisqu'elle l'a mariée avec Hubert. Elle leur a rendu la vie dure, puis elle est morte. Les enfants sont nés. Monsieur de Puyfourgues est mort. Marié depuis 8 ans, Des Grands et sa femme ont vécu sans querelle. Pour elle, dont le cœur est resté calme, n'est-elle pas heureuse? Heureuse. Ses pensées devinrent vagues. Paris qui la hante lui rappelle des impressions troubles, des surprises pénibles, la révélation du mal qu'elle ignorait. Quelle mœurs singulière, que de confidences étranges, tant de femmes trompant leurs maris, et ceux-ci complices. Le plus souvent, de la littérature et des causeries émanait un entêtant parfum de vice. Et tout à coup elle pensa, pourquoi avoir quitté le Jajolais, ses enfants, par quel ennui? Car c'est un ennui inconnu qu'elle éprouve. Rêveuse, comme toutes les jeunes filles sans mère, elle est devenue de plus en plus, elle le sent. Et ce ne sont plus les anciens rêves ingénus, si joliment ignorants de la vie, mais des rêvasseries creuses et sans but, dont elle sort les yeux meurtris et la migraine sous les tempes. Une sensibilité insolite titille ses nerfs, pour un rien, il vibre et tressaille. Jamais elle n'a éprouvé cela, c'est depuis le grand changement, cet hiver parisien. Ouvrant ses yeux à la vision des choses, elle revit la mer paisible, et sur la courbe de l'horizon, plusieurs arcs de cercles, de changeantes couleurs, gris, bleu, violet. Baissant la tête, elle admira l'eau d'un lapis lazuli profond. Contre la ligne de flottaison, Elle était d'un ton plus riche et plus sombre, d'un transparent bleu de vitrail, taché d'écume. Elle se sentait emportée à chaque tour d'hélice, et dans l'impossibilité de revenir en arrière, un vague regret perçait en elle, de son brusque départ. Loin qu'elle en fût distraite ou réjouie, elle s'en trouvait presque attristée. La joie de revoir Thérèse, son amie de jeunesse, était grande, et elle ne craignait rien pour les enfants, confiés à Agathe et surveillés par le docteur. Pourtant, ce malaise, hors de la règle et de ses habitudes, dérouté par l'imprévu inutile, entré dans son existence bourgeoise, ayant rarement voyagé et quitté les siens, elle se disait « Est-ce bien moi qui suis ici ? Loin de tout ce qui fait ma vie, mes enfants, ma maison, nos amis, et que tout cela me semble loin, possédé dans une existence antérieure. Peut-être n'est-ce qu'un rêve et que cela n'existe pas. Ou bien, je rêve en ce moment même et je vais me retrouver au Jajolais sous les baisers de mes petiots. » Elle tressaillit, surprise par une main qui s'était apesantée sur son épaule. Des grands devant elle lui parlaient. « Ah, tu m'as fait peur !»« Je te demande pardon, ma chère, mais tu ne répondais pas. À quoi rêvais-tu ?»« Aux enfants !» Et elle se sentit rougir. « Je quitte Olivier. Quel causeur charmant, quand il n'est pas pessimiste comme hier soir. Nous venons de nous rappeler tout notre bon temps de jeunesse. Olivier ?» Oui, il n'aime pas qu'on l'appelle Pascal. Mais de qui parles-tu? De Géphos, parbleu. Où as-tu la tête? Ah, fit-elle, et elle resta surprise. Descendons vite, on déjeune. Dès qu'ils furent en bas, il lui présenta le capitaine. Elle lui rendit son bon salut d'un air distrait. C'est qu'elle sentait peser sur elle le regard respectueux de Géphos. À son tour, il s'inclina. « Ici, Olivier, » dit Desgrands assez haut, et il le plaça près de sa femme. Elle s'aperçut que son voisin était le point de mire des passagers. On chuchotait son nom. Les gens bien élevés lui jetaient à la dérobée de vifs coups d'œil. Les autres l'observaient avec une curiosité effrontée. Elle fut gênée, comme si ses regards l'atteignaient aussi, et s'étonna que Géphos parut ne rien voir. Il s'amusait beaucoup. Le commis voyageur d'hier débite 1000 absurdités sur moi. Je gage, à son air mystérieux, qu'il assure m'avoir reconnu tout de suite. Mais il a respecté mon incognito. Sceptiquement, il évalua le nombre des passagers. Combien d'entre eux ont lu un seul de mes bouquins ? Bientôt, il remarqua que Madame Desgrands semblait plus à l'aise. On faisait moins attention à eux. Il lui offrit à boire. Elle vit la pâleur et la délicatesse de ses mains, son fin profil, sa peau mate, striée de rides minces comme un cheveu, ses yeux trop cernés. Surtout, elle fut frappée de l'air détaché et froid jusqu'à l'impertinence de Géphos envers tout le monde et elle-même. Rien ne la mit plus à l'aise. Elle avait besoin de sécurité. N'ayant pas à se mettre en garde contre lui, elle ne se défendit pas de le trouver aimable. Géphos se surveillait. Il s'était à son réveil senti calme et confus de sa folie de la veille. Il avait résolu que Madame Desgrands ne lui serait de rien. Combien de femmes rencontrées au hasard d'un voyage, d'un bal, d'une visite, aimer une semaine, un jour, 5 minutes, puis oublier, si parfaitement qu'il ne pouvait s'en rappeler le visage. Il en serait de même cette fois-ci. Plus de folie, être sage. Il redoutait de troubler son repos, à lui. Et d'une voix très simple, en petites phrases spirituelles, il brodait sur des lieux communs. Tout à coup, Madame Desgrands lui vit des mouvements d'impatience contenus. Elle regarda dans la même direction que lui et s'aperçut que le capitaine, à qui Desgrands vantait Géphos, tout en ayant l'air de contempler avec émerveillement l'auteur, ne regardait en réalité qu'elle, avec une insistance gênante. Des grands ne voyaient rien. Jeffos fronçait les sourcils. Soudain, elle rencontra ses yeux, et ils se comprirent, sans qu'il leur vînt un mot ni un signe. Si court qu'il fût, ce regard eut une conséquence imprévue. Ils cessèrent de penser au capitaine. Elle songeait, quel air méprisant et ironique, un tel regard vaut un soufflet. Et elle eut peur d'une provocation. Et lui, quelle hauteur charmante sur son visage, les beaux yeux, de quelle couleur sont-ils? Ce regard les avait rapprochés, une fraternité entre leurs esprits devenait possible. Le capitaine s'était détourné, un des passagers jaloux l'accaparait. Des grands, la bouche pleine, parlait à sa femme. Elle remarqua que Jeffos repoussait presque tous les plats. « J'ai un appétit d'anglaise, se dit-elle, que va-t-il penser ?» Cette coquetterie involontaire lui fit refuser d'un beau pâté. Jeffos en prit. Elle écoutait avec plaisir sa voix. Elle avait un timbre particulier. À une réponse qu'il fit, leurs yeux se rencontrèrent encore. Ils n'avaient rien de précis à exprimer. Ce fut comme un salut amical, un petit bonjour. Jeffos n'avait plus l'air méchant. Le déjeuner parut court. Sur le pont, des grands se mit à fumer, d'un air heureux. Jeffos s'abstint. Elle lui en sut gré. Calme, la mer, sous un soleil sans force, miroitait, brisée en écailles pâles. Des mouettes gracieuses, à rythmique coup d'ailes, évoluaient haut sur le sillage. Une fumée noire s'exhalait de la cheminée. La ville de Cherchel s'avançait avec majesté. Chaque tour d'hélice l'emportait irrésistiblement. Au halètement sourd de la machine, le cœur du navire palpitait. Quand le soleil s'éclipsa, les flots semblèrent de mercure. La monotonie de ce paysage de ciel et d'eau accablait l'esprit. Madame Desgrands, son mari et Jeffos se taisaient. Rapprochés au milieu d'inconnus, sur cet espace étroit, dans le négligé de leurs habits de route, ils jouissaient de l'intimité, du laisser-aller autorisé par le voyage. Ils leur semblaient être de vieux amis, unis par l'habitude, maintenant inséparables. Cela fit dire à Desgrands, « Ah, ça, Olivier, vous n'avez rien à faire à Alger, n'est-ce pas ?»« Non, sauf mon excursion à Xour à Issa. » Rien que des promenades à pied ou à cheval et des bains de soleil, par ordonnance de la faculté. Vous n'êtes pas malade. Peu. Madame Desgrands, levant les yeux, trouva à ses traits une expression souffrante. En même temps, un sourire aigrelé crispa les lèvres de Jeffos. Elle en reçut une impression désagréable. Était-ce l'idée qu'il pût être malade, ou à cause de ce mauvais rictus qu'elle avait déjà remarqué. Quoi qu'il en fût, elle le plaignit. Il a dû beaucoup souffrir. Elle aurait voulu qu'il leur parlât de lui. L'intérêt et la curiosité lui faisaient se mordre les lèvres, en l'observant à la dérobée. Desgrands disait, « Je vous recommanderai au Hanskin. Madame Desgrands descend chez eux. Ce sont des gens intelligents et très simples. La femme est une grande amie de Louise. Le mari dirige les affaires civiles et ne quitte pas le gouverneur. Madame Hanskin est très occupée avec 5 enfants. Moi, je cours rejoindre les ministres à Bogart. J'espère que vous voudrez bien tenir souvent compagnie à ma femme. Elle ne connaît pas Alger. » Jeffos acquiesça. Au fait, Hanskin vous prêtera ses chevaux. Vous savez que Madame Desgrands est bonne écuyère. Mais si, tu montes très bien. Son père la faisait galoper tout enfant. Eh bien, avec moi, elle a toujours eu peur. Jeffos pensa, voilà un mari aimable. Et justement, quand je suis décidée à ne pas en abuser et à laisser sa femme tranquille. Comment diable, une mère de famille, son silence narquois fut pris pour un assentiment. Madame Desgrands, pensive, regardait l'ombre des échelles de corde se raccourcir et s'allonger à chaque oscillation du mât. Les paroles de son mari lui tintaient à l'esprit, agréables et vagues. Elle prêta l'oreille. Géphos, interrogé, répondait. « En Algérie, si, toute mon enfance. À 9 ans, on m'a envoyé en France. Je suis revenu une fois, à 21 ans, à la mort de ma mère. Depuis, jamais. Et cependant, c'est ma terre de rêve et de prédilection. Mon enfance y a couvé au soleil. J'en ai 1000 souvenirs. J'irai les yeux fermés sur les routes à notre ancienne maison ou au caveau des miens dans le cimetière. Et il y a 18 ans de cela, tant les images de l'enfance sont nettes et profondes. Ce passé m'apparaît immense et gros de sensations, tout vide qu'il est. Au contraire, il me semble que ma vie d'homme assez remplie pourrait me tenir dans le creux de la main. Comment, depuis 18 ans? Cela vous étonne, mais j'ai toujours eu la nostalgie, jamais le courage de faire un voyage si court. 48 heures à peine, de la gare de Paris au quai d'Alger. Rien ne m'attirait plus là-bas, que le charme du passé, et j'avais peur de l'anéantir au contact de la réalité. Les gens et les choses n'y sont plus tels que mon imagination les voit, et je n'ai plus mes yeux de petit enfant. N'est-il pas vrai, madame, que je fais là une expérience dangereuse? Embarrassée, car ses pensées faisaient écho. J'espère que non, répondit-elle doucement, si doucement que Géphos lui décocha un regard trop expressif sous le nez de Desgrands. Elle ne put s'empêcher de rougir, et pris de l'humeur d'avoir rougi, son air devint froid. Géphos ayant eu l'imprudence de la regarder plus attentivement, elle fut troublée et s'inquiéta. La sécurité dont elle jouissait depuis une heure commença à disparaître. Le charme fut rompu. Il redevint à ses yeux Pascal Géphos, dont la célébrité lui causait un instinctif malaise. Elle se rappelait ce qu'on disait de sa vie agitée, et il lui parut impossible qu'il s'attachât profondément à une femme quelconque. « Moi, par exemple, supposa-t-elle sans penser à mal. Il n'avait que des caprices pour passer le temps. Était-ce pour cela qu'il la regardait si singulièrement ?» La vilaine idée. Sans doute, ses livres étaient beaux, mais malsains. Ne les avait-elle pas entendus juger sévèrement par M. d'Ormesson, le docteur Krebs? Ils n'étaient pourtant pas suspects, ceux-là. Dans le désordre de son esprit, défiante, confuse et peinée, elle craignait encore d'être injuste. Bien que choquée, elle ne lui en voulait pas. Elle ne s'étonna point de ce que cet étranger, ignoré la veille, ne sortit déjà plus de sa pensée. Ses sentiments étaient obscurs, son malaise infini. À ce moment, Desgrands, qui avait regardé 2 fois sa montre, dit « C'est très bien, mais il faut que je travaille. Je vais m'installer au fumoir, plus de 15 lettres en retard. Vous permettez, Olivier ?» Ces mots enlevèrent à Madame Desgrands ce qui lui restait de tranquillité. Elle eut peur de rester avec Géphos, et pourtant, elle n'osait se lever et descendre aussi. Comme son mari s'en allait, elle cria d'un ton bref où perçait l'alarme. « Hubert !» Il n'entendait point. Géphos le héla avec indifférence. « Qu'est-ce que c'est ?» Et Desgrands revint. Sa femme, l'esprit subitement retourné, répondit simplement. « Veux-tu me monter mon châle et mon livre ? Je les ai laissés sur l'entrepont. » Quand elle les eut, restée en présence de Géphos, elle tourna avec indécision quelques feuillets du livre, en lut des lignes, ça et là. Il lui dit en souriant, « Madame, permettez-moi de vous laisser avec X. » C'était l'auteur du livre. « Vous serez en meilleure compagnie qu'avec moi. » Pour rassurer sa susceptibilité, elle répondit avec plus de vivacité qu'elle n'aurait voulu. mais les romans de X m'ennuient. Je veux dire celui-ci, ajouta-t-elle, craignant par une nouvelle délicatesse de le froisser, en jugeant trop délibérément un de ses confrères, très réputé. Vous connaissez Monsieur X ? Demanda-t-elle au hasard. Beaucoup. Quel homme est-ce ? Il lui en fit un portrait piquant, sans oublier de louer X, d'autant plus généreusement qu'il le détestait. Mais elle écoutait mal. Il lui semblait que les phrases de Géphos, malgré leur tour spirituel et familier, étaient menaçantes et grosses d'embûches. Elle avait peur de ce qu'il pourrait lui dire brusquement, et par des questions insidieuses sur les hommes et les choses littéraires, elle s'efforçait de le tenir dans un ordre d'idées étranger à leurs mutuelles préoccupations. Pourtant, elle ne songeait pas à s'en aller. Géphos tentait de la captiver, de frapper cet esprit vierge, et il croyait n'avoir pour but que de lui laisser un souvenir un peu moins banal que les autres hommes. Toutes les 5 minutes, il répétait « Mais est-ce que je l'aime ? Pas du tout. Nous causons. Où est le mal ? Demain, nous serons redevenus étrangers. » Et de bonne foi, il admirait ses yeux brillants, ses cheveux d'un blond sombre que le soleil teintait d'un singulier or. Plus grande que lui et d'une extrême blancheur, elle avait les lèvres un peu fortes, le nez assez long, le visage volontaire et doux. Elle exhalait la fraîcheur d'une santé jeune et un parfum délicat, si ténu que le subtil flair de Géphos le percevait à peine. À mesure qu'il parlait, il prenait plaisir à étudier ce mobile visage, presque malgré lui, et rien que par curiosité, croyait-il, il amena quelques mots un peu trop directs et d'un tour affectueux. Aussitôt, elle redevint troublée et d'une gravité assez hautaine. Il se tut. Des dauphins émergeaient de la mer. Ils les regardèrent et le silence continua. « Que dirait-elle donc si je lui contais ma folie d'hier, sa porte ouverte et mon inconcevable transport ?» Aussitôt, dans un éclair d'hallucination, il rêva la scène, se vit avouant tout. Elle devenait extraordinairement pâle, le regardait effaré. « Eh bien oui, j'étais fou, parce que je vous adore, parce que... » Elle se levait pour prévenir son mari sans doute. « Inutile, j'y vais moi-même. » Et il s'est lancé. Terrifié à l'idée du sang, les mains tremblantes, elle lui jetait un regard fou et indigné. Aussitôt, il se mettait à ses genoux, murmurant des paroles fiévreuses. Et à ce moment, il ne sut plus s'il se jouait ou non la comédie, mais continuant son rêve, penché vers elle, les yeux fixes, serrant les lèvres. « Je t'aime !» lui cria-t-il mentalement. « Oui, je t'aime. » L'hallucination cessa. Des gouttes d'eau tombèrent sur ses mains et il vit que Madame Desgrands rougissait du front jusqu'à la nuque. Effrayée par ce silence significatif, elle avait vu du coin de l'œil l'expression, le regard ardent de Géphos. « Que faire ? » Elle se leva et sans le regarder. « Mais il pleut, » dit-elle sèchement. Et elle s'éloigna de lui avec lenteur. Il resta gauche, très surpris, puis la vérité lui sauta aux yeux. « Elle a donc deviné, » s'écria-t-il. « Mais quoi ? Allons donc, que je l'aime ?» Dès qu'il eut reconnu qu'il l'aimait, il s'expliqua toute sa conduite. Ses résolutions sages sombrèrent, et son cœur fut rempli de joie. Elle se disait bouleversée. « Mon Dieu, moi !» qui ne lui ait rien répondu. C'était mon devoir, cependant. Mais m'a-t-il parlé ? Non. Oui, mais son regard, son visage criait pour lui. J'aurais dû le regarder avec colère, paraître offensé. Je ne le suis donc pas ? Et si je me trompais, qu'irait-il penser de moi ? Peut-être n'est-ce qu'un homme bizarre, les artistes, n'importe. Je ne dois plus me laisser regarder comme ça. Bien résolue, elle revint prendre son châle et son livre, en toisant sévèrement Géphos. Le regard s'étant croisé, ne cédèrent point. Il mit dans le sien toute sa force de volonté, comme s'il eût voulu la magnétiser. Il en sentait tout le ridicule, mais elle-même se voyait faiblir, et malgré elle, ses yeux s'adoucissaient. Elle les ferma avec une bizarre envie de rire et de pleurer. Le cœur lui tournait. Elle eut peur de s'être trahie, et pleine de honte, elle se sauva, sous l'ondée. Fin de la section 19, enregistrée par Margot.